Leçon 3, page 13. Une étudiante en histoire et son amie discutent. Ce soir, il faut que je finisse mon exposé. C'est sur quoi ? La fondation de Marseille. Ah, les beaux Grecs qui débarquent et qui séduisent tout le monde. Ils les auraient pas séduits à coups d'épée par hasard ? Non. En fait, quand les Grecs de Phocée arrivent, ça fait des siècles que les Gaulois font du commerce, avec des bateaux venus des quatre coins de la Méditerranée. Avec des bateaux grecs en particulier. Ils sont donc accueillis comme les autres. Oui, mais les Phocéens restent, eux. Pourquoi ? Parce que chez eux, c'est la guerre. Leur région est petit à petit occupée par les Perses. Alors ils émigrent. Mais ce sont des émigrés riches. Mais l'histoire de Protis et du roi Nanos ? C'est l'historien Justin qui raconte ça, au deuxième siècle après Jésus-Christ, c'est-à-dire 800 ans après les faits, et on n'a pas retrouvé les documents dont il s'est servi. Alors, qu'est-ce qui est vrai dans cette légende ? Les Ségobriges et le roi Nanos ont existé. Leur ville était sur une colline à quelques kilomètres du bord de mer. Les Grecs, eux, se sont installés au bord de la mer. Mais pourquoi les Gaulois laissent-ils les Grecs s'installer ? Les Grecs sont riches. Ils achètent les terrains dont les Gaulois ne veulent pas. De plus, ils savent faire beaucoup de choses. Et l'histoire de la fille du roi qui choisit Protis pour mari le jour de son arrivée ? Ça a dû être moins rapide. Les Grecs ont commencé à s'installer. Ils sont devenus puissants. Les Gaulois avaient besoin de faire alliance avec eux. Et puis, les Grecs n'avaient pas emmené beaucoup de femmes avec eux. En fait, tout cela est très banal. C'est bien pour ça qu'il faut conserver les légendes.